koyeba boye na lokondeli kolobaki ale nkumu milele seigneur de seigneur wana biso nyonso toza kolingisa moto mpo na kolobaki makambo yesu asalaka elekelaka biso kaka baka moto na mosipe kiti sie kino na se pote aye bake ye azali zame na bomoy monini eko maka pole pona ba oyo bandimeli mokonzio Devant les malédictions, la condamnation, les lois s'établissent.